Il a dit ça, c'est des gens qui rabaissent leur Seigneur. Si on, dans chacun d'entre nous, il y a une partie d'Allah, lorsque l'insan il meurt, ça veut dire qu'il y a une partie d'Allah qui meurt. Hada Rabha. C'est ça le Seigneur? C'est ça Rabbil Alamin? Là. La aqidatun batila fasida. Hadi aqidatu Muhammad Ilyas. Wa Sayyid Qutb. ثم قال ابن العربي بالالف ولم ابن العربي لي parmi les savants de la sunna. Ibn al-Arabi bil alif wal lam. C'est pas pour ça qu'on va dire que t'as bien Ibn al-Arabi, hein. Ibn al-Arabi bil alif wal lam. Il est parmi les savants de la sunna. Ibn al-Arabi sans le alif wal lam. Min ahli al-bid'a wal hawa. Qu'est-ce qu'il a dit? Qassama al-ulama al-dhahab fil ard qismayn haraban wa talaban. فالأول ينقسم ستة أقسام وهو الهرب. Abdullah Cheikh Abdullah, il ne va pas s'étendre là-dessus, il ramène juste le point qui nous intéresse. الأول الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام. تقسيمات dans الهجرة. C'est de quitter une terre. قال دار الحرب, une terre où il y a la guerre, vers une terre de quoi? دار الإسلام. يعني في الشرك والكفر. Tu quittes parce que tu ne peux plus pratiquer ton tawhid wa sunnah. Donc tu quittes une terre pour une autre terre. والثاني هو الشاهد. La deuxième hijra qu'il a ramené parmi les taqsimat qu'il a fait, الخروج من أرض البدعة. من أرض البدعة. قال ابن قاسم سمعت مالكا يقول, يعني الإمام مالك رحمه الله, لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. شوف كيف هذا المكان, هذا الزمان, هذا البلاد. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Malik? Il a dit, j'ai entendu l'imam Malik dire, la yahillu, il n'est pas permis. Dans le sens où c'est interdit. An yuqima, de résider, bi ardin, sur une terre, yusabbu fiha al-salaf, où les salafs sont insultés. Permis de rester sur une terre où salaf, yani sahaba radiallahu anhum, wa tabi'in wa atba' tabi'in, où ils sont insultés. Hada qawl al-imam Malik rahimahullah. Wa qala ibn al-Arabi, wa hada as-sahih, fa inna al-munkara idha lam taqdir an tughayyirahu fazul anhu. ثم ذكر آيات الأنعام فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الآية قلنا نومية. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn al-Arabi après le commentaire de l'imam Malik رحمه الله? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cela est bon et authentique, c'est sûr, car lorsque le blâmable, on ne peut pas le changer, alors on le quitte. Alors on le quitte. Et il a ramené l'ayah fi surat al-an'am, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a mentionné, lorsque tu vois ceux qui prennent en dérision nos signes, nos versets, lève-toi et pars, quitte-les. وقال الإمام أبو قلابة رحمه الله كما في السنن للدارمي لا تجالسوا أهل الأهواء فإني لا آمن أن يغمسكم في ضلالهم ويلبس عليكم بعدما تعرفون والأثار في هذا الباب كثيرة. Il a dit, ne t'assois pas avec les gens de la passion. Il n'y a rien qui dit que tu ne tomberas pas dans leur égarement. On ne peut pas se porter garant que tu ne tomberas pas dans leur égarement. وَيَلْبِسُوا عَلَيْكُمْ بَعْدَ مَا تَعْرِفُونَ. Ils vont vous... يَلْبِسُونَ, يعني ce que tu savais, ils vont te le retourner. الحق, ils vont te le paraître. Le باطل, et le باطل, ils vont te le faire apparaître. حق. الهجر الشرعي منه الكلي ومنه الجزئي.